partout dans le monde, des gens se lèvent pour défendre leur liberté. Le samedi 20 mars 2021, suite à un appel préalable, une manifestation mondiale a eu lieu. Une manifestation contre les mesures Covid trop restrictives des gouvernements qui outrepassent sans vergogne les droits de l'homme fondamentaux et les libertés protégées par la Constitution. D'innombrables personnes dans le monde entier se sont mobilisées pour défendre 5 libertés importantes. La liberté d'expression, la liberté de déplacement et de contact sans restriction, la liberté de choix, la liberté de réunion, la liberté et l'autodétermination concernant sa propre santé. Plus de 40 pays ont demandé à participer à cette action. CLA TV, chaîne d'information alternative, couvre cet événement mondial avec des récits de témoins de ces actions dans plusieurs pays. Manifestation en Tasmanie, une île au large de l'Australie. Nous pouvons réfléchir à ça, lire l'information, parler à notre médecin, penser aux aspects positifs et négatifs et dire non merci. Je ne suis pas un bon client, je suis un critique des vaccins. Savez-vous comment définir un critique des vaccins? Je ne veux pas de vaccins même s'ils sont proposés. Je ne veux pas non plus manger au McDonald's même si c'est proposé. Je ne veux pas non plus d'autres choses, même si elles sont disponibles. L'alcool, par exemple. Et beaucoup, beaucoup d'autres choses encore qui ne m'intéressent pas, même si elles sont proposées. Alors, je dois être une personne qui hésite beaucoup. Oh, au fait, c'est une expression de marketing. Réticence à la vente, réticence à l'achat. Ainsi, vaincre la critique des vaccins signifie vaincre la réticence à acheter. Manifestation à Listal en Suisse. Une manifestation pacifique en Suisse avec plus de 8000 participants. Manifestation à Copenhague, capitale du Danemark. Il y avait environ 1500 personnes dans les rues de Copenhague. Le début de la manifestation était pacifique. Plus tard, des complications sont apparues à cause d'émeutiers et de perturbateurs. Puis il y a eu des troubles en raison de reproches mutuels. Homan Noir, Danemark. Ce groupe a organisé les manifestations au Danemark. Des manifestations sont généralement organisées deux fois par mois en soirée, à partir de 19h. Habituellement, entre 700 et 2000 personnes y participent. L'objectif est de s'opposer aux mesures du gouvernement, aux restrictions Covid et aux vaccinations et tests obligatoires, aux nouveaux seuils épidémiques, aux passeports Covid, etc. Manifestation à Kiev, capitale de l'Ukraine. À peine cet événement était-il prévu qu'un sévère confinement était annoncé à Kiev. L'événement était sur le point d'être annulé. Malgré tout, environ 800 à 2000 personnes ont participé à la manifestation. Des gens de différentes régions d'Ukraine ont fait 600 à 700 km pour être là. C'était une union de personnes dynamiques et déterminées pour leur liberté. Des familles, des jeunes et des enfants ont également participé. L'événement était protégé et surveillé par la police qui a fidèlement accompagné la manifestation du début à la fin. La première action était une marche des zombies par laquelle les organisateurs voulaient montrer le grand nombre de personnes qui se laissent guider et manipuler par leur peur. C'était une manifestation très spectaculaire. Les passants l'ont très bien accueilli. Ils ont filmé l'action avec leur téléphone portable et ont envoyé des images en direct. Les automobilistes ont descendu leurs vitres, applaudi et soutenu les manifestants. On sentait dans l'atmosphère que les gens avaient surmonté la peur qui leur avait été inculquée à maintes reprises. Les gens ont ressenti que même le temps était un symbole. Comme ça arrive en Ukraine au mois de mars, il a soudain neigé, puis le soleil a brillé à nouveau. Le ciel était noir d'un côté et lumineux et ensoleillé de l'autre. Et finalement, le soleil a gagné. La manifestation était très paisible. C'était comme la fête d'une grande famille, une fête de la vie. Dans les réseaux sociaux, cet événement est appelé « Grand Réveil ». Manifestation à Wilsdruf, dans l'est de la RFA. Avec les mesures Covid, ce sont les enfants qui doivent se taire. Les enfants qui sont irrités par l'obligation de garder leur distance avec leurs camarades de classe et qui rentrent à la maison en pleurant d'épuisement après des heures de port de masque. Une génération perdue qui ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Les jeunes en particulier souffrent gravement de la politique du Covid. Les parents d'élèves des écoles de Wilsdruf ont organisé une manifestation et ont placé pacifiquement et dans le calme des affiches, des bougies et des chaussures d'enfants sur la place du marché de Wilsdruf devant le monument. Manifestation à Kassel en Allemagne. À l'approche de la manifestation, la mairie de Kassel a déclaré qu'elle ne l'autorisait pas. La manifestation a été refusée, avec des arguments peu convaincants comme l'augmentation des cas positifs. Cependant, par le biais du tribunal administratif, la manifestation a été autorisée. Mais des obstacles ont été posés. Le lieu prévu a été annulé. Les participants se sont alors réunis sur le champ de foire Schwanenwies. Puis dans la journée, les participants ont reçu un message indiquant que des milliers de personnes se trouvaient dans le centre-ville. Les manifestants se sont alors dirigés vers le centre-ville de Kassel. Nous sommes allés dans la ville. Au milieu de la zone piétonne de Kassel, il y avait encore beaucoup de monde. Dans la rue, les gens chantaient une chanson typique. Oh, comme c'est beau, oh, comme c'est beau. On n'a rien vu de tel depuis longtemps, tellement c'est beau. On nous a dit que le cortège n'était autorisé à traverser la ville que deux fois. Un petit groupe s'est opposé au défilé de la manifestation avec des vélos et la police a jeté ces vélos qui faisaient barrage pour que les manifestants puissent passer. La police a laissé les gens s'attarder dans la zone piétonne pendant très longtemps. Il y avait une forte présence policière, mais tout s'est déroulé de manière très pacifique. Les policiers étaient sympathiques, mais aussi étonnés par le fait que tant de personnes ordinaires, des gens comme vous et moi, participaient à la manifestation. À la fin de la manifestation, on nous a dit qu'un canon à eau avait été utilisé lorsque la chaîne de télévision RTL était sur place pour filmer. La police a même dirigé le canon sur son propre personnel. Après la fin du tournage de RTL, le canon à eau a disparu. Il n'y avait aucune raison de l'utiliser. La presse a déclaré qu'il y avait 20 000 manifestants, alors qu'en réalité, il y en avait plus de 50 000. Les reportages des principaux médias sur les manifestations ont fait référence aux fauteurs de troubles et à ceux qu'ils appellent les négationnistes du Covid. Mais en vérité, cette manifestation n'avait rien à voir avec le déni du Covid. Des manifestations ont eu lieu de par le monde à cause des mesures Covid restrictives et disproportionnées prises par les gouvernements. Si nous n'en montrons aujourd'hui que quelques extraits, les rapports de presse contredisent clairement l'expérience de milliers de participants dans de nombreux endroits du monde. Ce dont on a été témoin, à quelques exceptions près, c'est à la fois l'atmosphère pacifique qui régnait parmi les manifestants et l'encadrement équitable et coopératif de policiers amicaux. Le printemps arrive et les gens se réveillent. Sounds.